Exercice 4. Dialogue 1. Salut Philippe, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Oh, salut Patrice. Eh bien, écoute, tout va bien. Merci. Et ta femme, ça va aussi? Dialogue 2. Salut. Pardon pour le retard. Ah, ça y est, te voilà enfin. Ça fait 30 minutes que je t'attends. Pardon, je suis vraiment désolé. J'ai raté mon bus. Dialogue 3. Ah, Célia, je suis allé voir le docteur que tu m'as conseillé pour mon dos. Ah, et alors? Ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ton aide. Dialogue 4. Excusez-moi, je cherche la boulangerie. Vous pouvez m'aider? Oui. Alors, il faut tourner à gauche dans la prochaine rue et marcher environ 200 mètres.